Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On commence, inshallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salamu ala rasulihi al-kareem, wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. On commence donc le cours numéro 10 aujourd'hui dans le livre de Bahjatul Qari du Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullahu ta'ala. Qui est un livre qui explique des hadiths choisis dans le chapitre de Al-I'tisam bil-Kitab wa Sunnah du livre de l'imam Al-Bukhari dans son Sahih. On est arrivé, on est toujours donc à l'explication du hadith numéro 9, qui est le hadith rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Qui explique en fait la discussion qu'il y a eu entre Abu Bakr et Omar après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos des gens qui refusaient de payer la zakat et le fait que Abu Bakr radiyallahu anhu a insisté pour les combattre. Et donc on continue dans l'explication de ce hadith. Au dernier point qu'on devait expliquer par rapport à ce hadith là, on commence donc avec le point suivant. وَمِنْ فِقْهِ الْحَدِيثِ أَنَّ لَنَا الظَّاهِرَ فِي التَّعَامُلِ مَعَ النَّاسِ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْتَزَمَ حُقُوقَهَا ظَاهِرًا فَلَيْسَ لَنَا فِي مُعَامَلَتِهِ إِلَّا الظَّاهِرَ مِنْ إِلَّا الظَّاهِرَ مِنْ حَالِهِ وَنَكِلُ سَرَائِرَهُ إِلَى اللَّهِ تبارك وتعالى ولهذا جاء قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة لما قال أسامة يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا فهذا فيه بيان أنه ليس لنا في معاملة الناس إلا الظاهر ولما اعترض ذو الخويسرة على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة حنين حين فضل البعض تألفا لهم موافقا لكتاب الله ولوحيه ولشرعه اعترض ذو الخويسرة وقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله وقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل فقال صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء وفي رواية ويلك ومن يعدل إن لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أعدل قال ثم قال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله قال ثم ولى الرجل فقال خالد ابن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال لا لعله أن يكون يصلي قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال أظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود لأن هؤلاء سلوا السيوف واستباحوا دماء المسلمين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم وحكم عليهم بأنهم شر الخلق والخليقة ولو كانوا أشد عبادة من الصحابة وأكثر قراءة للقرآن ولكنهم يقرؤون القرآن ولا يفهمونه لا يجاوز حناجرهم فلا يصل إلى القلوب فتفقهه. Donc je me suis rendu compte en commençant la traduction, la lecture, que j'avais pas allumé le micro de la radio, donc, mais c'est pas grave parce que je viens juste de commencer, donc inchallah vous avez presque rien manqué. Donc on commence inchallah avec la traduction de ce que je viens de lire, et le cheikh il explique ici, il dit et par rapport à la compréhension de ce hadith, qui est le hadith d'Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui relate la discussion qu'il y a eu entre Abu Bakr et Omar à propos des gens qui avaient refusé de payer la zakat après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le fait que Abu Bakr, radiyallahu anhu, considérait qu'il fallait combattre ces gens-là. Ici, le cheikh, il explique, il dit que parmi les éléments qui font partie de la compréhension de ce hadith-là, il y a le fait que nous devons nous fier à l'apparence des gens dans la façon dont on interagit avec eux. C'est-à-dire que toute personne qui dit « La ilaha illallah » et qui respecte les droits apparents de l'islam, eh bien, nous ne pouvons agir avec lui que selon ce qui est apparent de son état. Et en ce qui concerne son intérieur, eh bien ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'en chargera. Et donc, on n'a pas à essayer de découvrir ou de connaître ce que la personne a comme situation dans son cœur, ou est-ce qu'elle est sincère ou non. Ça, c'est entre la personne et Allah. Nous, ce sur quoi on se base pour juger les gens, et par rapport à leur attitude et qu'est-ce qu'ils font, c'est uniquement en se basant sur ce qu'ils font et sur ce qu'ils disent. Et souvent, vous entendez des fois les paroles des gens qui disent « t'as pas le droit de juger, hein? T'as pas le droit de juger ». Et ça, c'est une fausse compréhension que les gens ont, qui est surtout tirée des idées des chrétiens, en fait. Parce que c'est les chrétiens qui pensent que peu importe l'égarement d'une personne, peu importe les paroles, peu importe les actions qu'elle fait, que yani, elle peut malgré tout être la plus pieuse des personnes. C'est un petit peu l'idée que certains soufis ont aussi, hein, que parfois ils vont élever à des niveaux de sainteté des gens qui sont totalement perdus et égarés dans le coffre et le shirk, le sihr et les bid'a et l'égarement. Donc cette attitude-là, ça c'est totalement en contradiction avec l'islam. Parce que même si on dit que, par exemple, on ne va pas rentrer dans le cœur des gens et on ne va pas rentrer dans leur intention, on ne va pas essayer de les juger en ce qui a rapport avec leur intérieur, toutefois, en ce qui concerne leurs paroles et leurs actions, si les gens montrent ou laissent paraître quelque chose qui est en contradiction avec les droits de l'islam et en contradiction avec les principes de la aqida et les principes du manhaj et les principes des fondements de l'islam, ils laissent montrer quelque chose de contraire à ça, eh bien, on va pas dire que la personne est correcte ou qu'elle est bonne. On va la juger, hein, sauf qu'on va pas la juger selon ce qu'il y a dans son cœur, c'est-à-dire si elle nous montre du bien, on va pas dire elle autre chose, mais par contre si elle nous montre du mal, eh bien là on va juger selon ce qu'elle nous montre comme mal, hein, et on va dire cette personne, hein, elle est elle fait telle chose, elle dit telle chose, donc c'est la preuve que cette personne, elle est pas sur le droit chemin, elle est pas sur la guidance, d'accord? Donc ici le cheikh, c'est ce qu'il explique ici. Et on va voir des détails de ça. Il dit, l'exemple de ce qu'on vient d'expliquer, ça c'est établi par le hadith qu'on a lu au dernier cours par rapport à Usama ibn Zayd, radiyallahu anhu, lorsqu'il a tué la personne après avoir dit « La ilaha illallah ». Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, hein, parce que Usama a dit, il a uniquement dit la ilaha illallah pour se protéger de l'épée, parce qu'il savait que j'allais le frapper. Alors il a dit la ilaha illallah pour pas que je le frappe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en disant, afala shaqaqta an qalbi hatta ta'lam aqalaha am la. C'est-à-dire, est-ce que t'allais pas ouvrir son cœur, ou voulais-tu, yani pourquoi n'as-tu pas ouvert son cœur pour voir s'il l'a dit sincèrement ou non? Et c'était pour lui faire comprendre en réalité que c'est pas de ses affaires à rentrer dans le cœur des gens pour essayer de savoir s'ils sont sincères ou non. La seule chose sur laquelle on se base, nous, c'est le fait que la personne ait dit la parole de la ilaha illallah ou non. Et de voir que ses actions correspondent à ce qu'elle, hein, à ce qu'elle a déclaré. Et une fois qu'on a vu ça, alors ça veut dire qu'on doit se baser uniquement sur ça. Et si par la suite la personne contredit par des actes ou par des paroles ce que ce témoignage là signifie, alors là c'est à ce moment-là qu'on va vérifier qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a une contradiction. Mais tant que la personne n'a rien montré ou n'a rien laissé paraître de contradictoire, on n'a pas le droit de douter de sa sincérité. Et le cheikh dit ensuite, il y a dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée par l'imam muslim dans le hadith de Usama, la clarification que dans la façon d'interagir avec les gens, on ne doit se baser que sur ce qui est apparent. Et il donne ensuite l'exemple d'une autre situation qui s'est produite, et c'est l'exemple de Dhul Khuwaysira. Et Dhul Khuwaysira, c'est la tête des Khawarij. C'est le premier d'entre les Khawarij qui est apparu, et c'est celui à propos desquels, celui à propos duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait justement averti la Ummah que des gens allaient apparaître vers la fin des temps avec certaines caractéristiques, et justement pour dire que ces gens-là, ça, c'est en fait, lui, c'était le père des Khawarij, l'origine des Khawarij, et on va lire l'explication ensemble. Donc ici, le cheikh, il dit que lorsque Dhul Khuwaysira, cet hypocrite, Dhul Khuwaysira, s'est objecté au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lors de la distribution du butin de la bataille de Hunayn. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a préféré donner du butin à certains individus parmi les gens de Quraysh qui étaient soit récemment convertis, qui venaient juste de se convertir, ou bien qui n'étaient pas encore convertis, mais qui étaient proches de l'islam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a préféré donner à ceux-là du butin plutôt que de le donner à des sahaba, parmi les sahaba qui étaient plus anciens et plus, plus peut-être méritants d'une certaine façon, puisqu'ils étaient parmi ceux qui ont accompagné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam depuis très longtemps. Alors lui, Dhul Khuwaysira, il n'a pas été content, il n'a pas été satisfait de cette distribution du butin. Et déjà, ça, c'est un signe d'hypocrisie de sa part. Pourquoi? Parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne faisait pas cette distribution-là du butin de son propre gré, ou bien, disons, pour une passion qu'il suivait, ou des choses de ce genre. Mais il le faisait, bien entendu, en accord avec le livre d'Allah et en accord avec la révélation et la législation divine. Et Dhul Khuwaysira, lui, il s'est objecté à la distribution des biens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, en disant, ça c'est une division pour laquelle on n'a pas voulu le visage d'Allah. C'est-à-dire, en voulant dire qu'il était en train d'accuser le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas être sincère dans cette distribution-là et de ne pas être juste. Et il a dit même, comme c'est mentionné dans le hadith, il a dit, « Sois juste, ô Muhammad, parce que tu n'as pas été juste. » Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était vraiment fâché et vraiment choqué de qu'est-ce que cette personne-là a dit. Et il lui a répondu en disant, « Ne vas-tu pas me faire confiance alors que celui qui est dans les cieux m'a fait confiance dans la transmission de la révélation ?» et que je reçois les informations du ciel matin et soir, hein? C'est vrai. Si on fait confiance au messager d'Allah dans la transmission de la révélation divine, hein? Alors est-ce qu'on ne va pas lui faire confiance dans la distribution des butins et de l'argent, des choses qui sont encore moins importantes? Et dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein? Comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Malheur à toi, hein? Malheur à toi !» Il a dit à cet homme-là, « Waylak, malheur à toi. Et qui sera juste si moi je ne suis pas juste ?» Il a dit, « Certes, tu serais dans la perdition et tu aurais péri si je n'aurais pas été juste. Hein? » Et dans une autre narration qui est rapportée également par Al-Bukhari et Muslim, il a dit, « Malheur à toi. Ne suis-je pas celui parmi les habitants de la terre qui mérite le plus de se préserver d'Allah, hein, et d'obéir à Allah et de s'écarter de ce qu'il a interdit, hein, et d'avoir la taqwa vis-à-vis d'Allah. » Puis ensuite, cet homme s'est éloigné, s'est détourné. Alors Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, il a dit, « Oh, messager d'Allah, laisse-moi frapper le cou de cet homme. » En voulant dire, « Ça, c'est un hypocrite, laisse-moi m'occuper de lui. » Hein? Il mérite d'être exécuté pour son hypocrisie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, non, car il est possible que cette personne soit parmi ceux qui prient. Et Khalid ibn al-Walid a répondu en disant, et combien de gens font la salat, ils prient, et qui disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur, en voulant dire, ils prient, mais ce sont des hypocrites. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Khalid ibn al-Walid en disant, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je n'ai pas été ordonné par Allah d'ouvrir les cœurs des hommes ou d'ouvrir leur ventre. Hein? En voulant dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne m'a pas chargé d'ouvrir les cœurs, de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Moi, je juge selon l'apparence et selon ce qui est apparent. Donc cette personne, il a dit des paroles de coffre. Et c'est des paroles graves, mais il fait partie de ceux qui prient. Et s'il fait partie de ceux qui prient, c'est un munafiq. Et donc, je juge selon qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit. Hein? Et le cheikh, il dit ensuite que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a regardé, hein, le dos de cette personne, le derrière de cette personne, c'est-à-dire le dos de sa tête. Et il a dit, de cette personne-là va sortir des gens qui vont réciter le livre d'Allah, mais que cela ne va même pas dépasser ou aller plus bas que leur gorge. Et ils vont quitter la religion aussi rapidement ou plus vite que la flèche lorsqu'elle passe à travers un animal, lorsqu'on tire sur cet animal-là. Si elle passe d'un côté, elle le traverse. Aussi vite qu'elle rentre, elle sort aussi vite qu'elle rentre. Hein? Et il dit, le narrateur de ce hadith, il dit, et je crois qu'il a dit, si je les aurais rencontrés, c'est-à-dire ces gens-là, c'est-à-dire les Khawarij, eh bien je les aurais exterminés comme le peuple de Thamoud a été exterminé. Et ça, c'est rapporté par, selon Abu Sa'id al-Khudri, par Al-Bukhari et Muslim. Et Cheikh Rabi, il explique ici, il dit que ces gens-là, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il les aurait exterminés comme le peuple de Thamoud? Parce que ces gens-là ont pris l'épée et ils ont rendu licite le sang des musulmans. Hein? Ils ont permis et rendu licite le fait de tuer et d'assassiner les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc ordonné de les tuer et de les combattre. Et il a jugé à leur sujet que ces gens-là étaient les pires des créatures et de la création. Et il a dit, ça à leur sujet, malgré que ces gens-là avaient plus d'adoration que les Sahaba et qu'ils récitaient plus le Coran que les Sahaba, et que, yani, malgré ça, hein, ils sont les pires créatures parce qu'ils récitent le Coran, mais ils ne le comprennent pas. Et c'est ce qu'il veut, et c'est ce qu'il voulait dire par le fait d'avoir expliqué que le Coran ne descend pas plus bas que la gorge, en voulant dire il ne descend pas jusqu'à leur cœur pour qu'ils puissent le comprendre, le Coran. Donc ils lisent le Coran, mais sans aucune compréhension. Et il y a beaucoup de ces khawarij à notre époque qui font partie de cette catégorie-là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits. C'est-à-dire que c'est des gens qui font le takfir des savants de l'islam et qui font le takfir des dirigeants de la Ummah et qui récitent le Coran sans aucune compréhension de la méthodologie des salafs et qui par conséquent donc jugent à partir du Coran à tort et à travers et font des exemples et des comportements et des attitudes extrémistes à ce sujet-là. Le cheikh il dit ensuite « وَالشَّاهِدُ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ هَذَيْنَ الْإِمَامَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جُزْءٌ مِنَ الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تحدث بالحديث مرات فتجد مرة بالجزء الأول وبلغ ذلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وسمعاه وحفظاه ثم تحدث في مجلس آخر ببقية الحديث فحفظه من حفظه ممن ذكرنا كأبي هريرة وعبد الله ابن عمر وجابر ابن عبد الله رضي الله عنهم وإلا لو كان بقية الحديث عندهما رضي الله عنهما لما حصل بينهما خلاف أبدا لأن بقية الحديث يفيد أنه لا يعصم دمه وماله إلا إذا استوفى هذه الأشياء وفي القرآن الكريم في حديثه عن الكفار قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وفي آية أخرى فإخوانكم في الدين فخذ من هاتين فأخذ من هاتين الآيتين أنه تعصم دمهم أو تعصم دماؤهم وأموالهم إلا إذا قالوا لا إله إلا الله لا تعصم دماؤهم وأموالهم إلا إذا قالوا لا إله إلا الله وأدوا الصلاة والزكاة ولا يكونون إخوة لنا في الدين إلا إذا التزموا الصلاة والزكاة وإلا فلا أخوة بيننا وبينهم. Donc ici le cheikh il explique que qu'est-ce qu'on peut tirer comme point important donc de ce hadith, hein, de ce hadith à propos de la discussion entre Abu Bakr et Omar, ces deux grands imams, radiyallahu anhuma. Eh bien, on peut tirer que ils avaient uniquement une partie du hadith. Ils avaient seulement entendu une partie du hadith. Et le cheikh, il dit que c'est possible que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ait mentionné ce hadith-là à plusieurs occasions. Et que dans une occasion, il a mentionné uniquement la première partie, et c'est cette partie-là qui a atteint Abu Bakr et Omar, et c'est ça ce qu'ils ont entendu et qu'ils ont mémorisé. Puis dans une autre occasion, dans un autre endroit, un autre moment, il a mentionné le hadith au complet, ou une autre partie du hadith, et les autres Abu Huraira, Abdullah ibn Umar et Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhum, eux ont mémorisé l'autre partie du hadith ou bien le hadith au complet. Ce qui fait que si Abu Bakr et Umar avaient entendu le hadith ou la partie du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détaillé le fait que de faire la salat et de donner la zakat fait partie des droits de la ilaha illallah, s'ils auraient entendu cette partie du hadith-là, ils n'auraient pas eu de divergence entre eux. Hein? Parce qu'Abu Bakr radiallahu anhu a compris cela par sa déduction. Mais dans l'autre hadith, il y a cela qui est mentionné de façon explicite. D'accord? Que le sang et la vie d'une personne ne sont protégés par la ilaha illallah que à condition qu'il respecte les autres droits de l'islam, c'est-à-dire de faire la salat et de donner la zakat. Et le cheikh explique ensuite que il y a des versets dans le Coran qui confirment ce principe-là aussi, comme par exemple le verset 5 et le verset 11 dans sourate At-Tawba, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il clarifie que à propos des koufars, s'ils se repentent, c'est-à-dire s'ils se repentent du shirk et qu'ils acceptent l'islam, wa aqamu as-salat wa atu az-zakat, et qu'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat, alors fakhallu sabilahum, alors laissez-leur le chemin libre. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Et dans une autre narration, Allah subhanahu wa ta'ala dit que s'ils se repentent du shirk, c'est-à-dire ils acceptent l'islam et qu'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat, alors ils seront vos frères en religion dans ce cas-là. Et ça, c'est la preuve que, dans ces deux versets-là, il y a la preuve qui confirme que le sang et les biens d'une personne ne sont protégés, s'ils sont musulmans, que lorsqu'ils ont dit la ilaha illallah et qu'ils ont établi la salat et qu'ils ont donné la zakat. Et sinon, ils ne seront pas considérés comme étant frères en religion, excepté s'ils établissent la salat et la zakat, ou qu'ils donnent la zakat, et donc, sinon, il n'y aura pas de fraternité entre eux et nous. Il y a plusieurs hadiths aussi qui parlent de ces détails-là, mais le cheikh, justement, il va élaborer sur ça. Il dit ensuite, « وَتَأْتِي هُنَا مَسْأَلَةُ تَارِكِ الصَّلَاةِ هل هو كافر أم لا؟ وكذلك تارك الزكاة، فالذي يكفر بترك الصلاة والزكاة يحتج بالآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قالوا لا أخوة لهم في الإسلام وليسوا مسلمين حتى يؤدوا الصلاة والزكاة. وبعضهم يكفر بالصلاة وحدها وبعضهم لا يكفر ما دام مؤمنا بهما غير جاحد ولهذا اختلف الأمة أو اختلف الأئمة فمثل مالك والشافعي وأبي حنيفة لا يكفرون تارك الصلاة تهاونا وقال مالك والشافعي يقتل حدا على تركه للصلاة وليس بكافر ويدفن في مقابر المسلمين وأبو حنيفة يرى أنه يضرب ويسجن ولا يقتل والزهري كذلك حتى يصلي أو يموت أما أن يقتل بالسيف فلا فحتى كثير ممن يرى فحتى كثير ممن يرى أنه غير كافر يرى أنه يقتل لأن الصلاة عمود الدين عمود الإسلام فإذا سقط عماد البيت لم يسمى بيتا. Donc ça c'est un passage important. Ici le cheikh il explique en ce qui concerne la personne qui délaisse la salat, est-ce qu'elle est considérée mécréante ou non? Et de même que la personne qui délaisse la zakat. Et le cheikh explique que celui qui délaisse, celui qui considère mécréant ou qui déclare mécréant, celui qui délaisse la salat et celui qui délaisse la zakat, il se base sur le verset 11 dans Sourate At-Tawba qui dit « Et s'ils se repentent du shirk et qu'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat, alors ils seront leurs frères en religion ». Ils seront vos frères en religion. Donc, eux, ils se basent sur ce verset-là en disant, ça, c'est la preuve qu'il n'y a pas de fraternité dans l'islam s'ils ne sont pas musulmans jusqu'à ce qu'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat. Et d'autres, ils font uniquement déclarer mécréants la personne qui délaisse la salat. D'accord? C'est-à-dire que si la personne délaisse la salat, seulement, donc, si la personne délaisse la salat, il la considère mécréante. Mais la zakat, non. Tant qu'il reconnaît son obligation. Donc, il y en a qui considèrent que la salat et la zakat, si on le délaisse, c'est kofre. Ça fait sortir de la foi. Il y en a d'autres, ils considèrent ça uniquement pour la salat. C'est-à-dire, s'il laisse la salat, il devient kafir. Mais s'il délaisse la zakat, tant qu'il reconnaît son obligation, il ne sort pas de l'islam. Et d'autres, même la salat, ils ne considèrent pas qu'il est kafir tant qu'il reconnaît son obligation. Il ne déclare pas mécréant la personne qui délaisse la salat, et il considère que c'est toujours un croyant tant qu'il n'a pas nié son obligation. Et c'est pour ça qu'il y a une divergence entre les imams de l'islam par rapport à cette question-là. Et l'exemple, par exemple, l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Abu Hanifa, pour eux, la personne qui délaisse la salat par négligence, ils ne la considèrent pas comme étant mécréante tant que la personne reconnaît l'obligation de la salat. Si elle ne la fait pas par négligence, elle n'est pas considérée comme étant mécréante pour Abu Hanifa, pour Malik et pour Ash-Shafi'i. Ash-Shafi'i et Malik, ces deux imams, eux, ils disent que si la personne, elle délaisse la salat par négligence, elle doit être exécutée pour cela, comme une peine pour sa négligence ou pour avoir délaissé la salat. Elle va être exécutée pour ça, mais elle n'est pas mécréante. Elle va être exécutée comme étant un musulman qui a commis un péché. Mais elle est toujours considérée musulmane et elle est enterrée dans le cimetière des musulmans. Et Abu Hanifa, lui, il considère qu'il ne doit pas être exécuté, mais plutôt uniquement il doit être frappé et emprisonné jusqu'à ce qu'il fasse la salat. Et l'imam Az-Zuhri aussi a cette position-là. Donc même, il dit le cheikh que soit qu'il accepte de faire la salat ou yani, qu'il meure en prison, mais il ne va pas être exécuté par l'épée s'il ne la fait pas. Et il dit donc, c'est pour montrer à quel point la salat est importante et que c'est le pilier de la religion, que certains imams, justement, ils considèrent qu'une personne, même si les imams, ils considèrent que la personne ne sort pas de l'islam s'il ne fait pas sa salat, mais tellement c'est important qu'il mérite quand même d'être exécuté parce qu'il ne la fait pas. Donc ça, c'est pour dire que c'est pourquoi? Parce que c'est le pilier de l'islam, c'est la salat. Et que si quelqu'un n'établit pas ce pilier, si une maison n'a pas de pilier, comme une tente par exemple, si la tente n'a pas un poteau au milieu pour tenir le toit, eh bien, on ne va pas l'appeler une tente, on ne va pas l'appeler une maison. Eh bien, c'est exactement cet exemple-là. La salat par rapport à la tente, c'est comme le poteau qui retient le toit et qui le garde, qui garde la tente dressée. Donc, si on enlève ce poteau, si on enlève ce bâton ou ce pilier, eh bien, il n'y a plus de tente. Eh bien, cet exemple-là, c'est l'exemple que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donné dans le hadith quand il a dit « As-salatu umududdin ». Ok. Ensuite, le cheikh, il explique, il dit « Wa fil hadithi bayanu fadli Abi Bakrin wa bayanu fiqhihi wa manzilatihi al-azima inda Allahi wa inda al-mu'minin wa hadha shay'un muttafaqun alayhi bayna al-ummati illa al-rawafid hatta al-khawarij yu'azzimuna Aba Bakrin wa Umar radiyallahu anhuma فلهما منزلة في الإسلام لا يبلغها أحد ممن بعدهم فهم يأتون بعد الأنبياء أفضل من جميع المؤمنين من أصحاب الأنبياء كحواري عيسى وغيرهم وأبو بكر رضي الله عنه نال هذه المنزلة لنصرته الإسلام منذ بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وبذله نفسه وماله في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر رضي الله عنه. وهذا الموقف العظيم الذي وفقه يعني والصحابة وهذا الموقف العظيم الذي وقفه والصحابة في أول الأمر حيث لم يكونوا مصممين على قتال أهل الردة، فلما وقف وصمد هذا الصمود الذي لا يلحقه فيه أحد، وفي رواية أنه قال: فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سافلتي أو لا يبدين الله أمره. ثم أقام الحجة أن الزكاة من حقوق المال من حقوق لا إله إلا الله، فأذعن له الصحابة وأجمعوا على قتال أهل الردة. Donc le cheikh il explique ensuite que dans le hadith il y a également l'explication du mérite de Abu Bakr et la clarification de sa compréhension très profonde de la religion et de son degré très élevé dans la religion et de son statut élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et auprès des croyants. Et ça c'est une chose qui est en accord parmi tous les musulmans de la Ummah, excepté les Rawafid. Mais les Rawafid, yani, on les calcule même pas. Et même les Khawarij, ils ont du respect pour Abu Bakr et Omar, hein, contrairement aux Rafida parmi les gens de Bid'a. Donc Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma, yani, leur degré dans l'islam, personne d'autre ne peut l'atteindre. Et personne ne peut l'atteindre après les prophètes. Donc ils sont meilleurs que tous les croyants des compagnons de tous les prophètes qui sont venus dans le monde. D'accord? Et ils sont même meilleurs que les croyants qui ont été les compagnons, comme par exemple les apôtres de Jésus et d'autres également parmi les prophètes qui ont eu des compagnons. Abu Bakr et Omar, yani, et les sahabas sont les meilleurs après les prophètes. Et il dit, ils ont uniquement atteint ce degré-là parce qu'ils ont secouru et défendu l'islam depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, a été envoyé par Allah comme messager. Et ils ont dépensé leur vie et leurs biens dans le sentier d'Allah. Et même qu'il a été rapporté justement que Abu Bakr, plutôt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit à propos d'Abu Bakr, radiyallahu anhu, dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Sa'id al-Khudri, il dit que la personne qui a été la plus honnête et la plus fiable envers moi dans sa sohba, dans le fait qu'il a été mon compagnon, et dans ses biens, c'était Abu Bakr. Donc c'est Abu Bakr qui a été le plus grand support et le plus grand soutien après Allah pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ses biens et dans sa personne. Et le cheikh il explique ensuite que cette position solide et ferme yani, que les sahaba ont adopté au début de cette situation lorsqu'il y a eu le combat contre les apostats, eh bien ça c'est uniquement par le tawfiq que Allah subhanahu wa ta'ala a donné justement à Abu Bakr dans la position qu'il a adoptée de fermeté et de cette attitude solide et ferme qu'il a adoptée justement vis-à-vis de ces apostats et de l'obligation de les combattre. Il n'y a personne qui a été ferme sur ce sujet-là plus que lui. Hein? Personne ne le rejoint dans cette fermeté-là. Et c'est ce qu'il a lui-même énoncé, comme cela est rapporté dans nombreux hadiths, et en particulier celui qui est rapporté ici par l'imam Ahmad, lorsqu'il a dit « Je jure par celui qui a mon âme en sa main que je vais les combattre. Hein? » Jusqu'à ce que je sois le dernier tout seul, ou bien que Allah subhanahu wa ta'ala fasse paraître son ordre. Donc, c'est pour montrer à quel point il était déterminé pour combattre ces gens-là. Et il a établi la preuve que la zakat faisait partie des droits de l'islam dans les biens, et que ça faisait partie des droits de la ilaha illallah. Et les sahaba ont accepté cet argument-là, et ils ont tous été d'accord par la suite pour combattre les gens de l'apostasie. Le cheikh, il dit ensuite, « Wa kana as-sahaba jaddina fi dinihim wa islamihim, wa Allahu tabaraka wa ta'ala kana yansuruhum li sidqihim fi dinihim wa ikhlasihim. Wa fihi aydan bayanu shuja'ati Abi Bakr radiyallahu anhu fi adh-dhuruf al-harijah, fa'azza Allahu bihi al-islam. وقمع به الفتنة المرتدين وقد كانت فتنة الردة فتنة خطيرة جدا فما بقي في الجزيرة إلا ثلاثة مساجد يصلي أهلها وأكثر الناس ارتدوا ومن يعني donc ça c'est un point que le cheikh il mentionne ici. Il dit donc que les sahaba ils ont donc été sérieux, hein, sérieux dans leur religion et dans leur islam, et Allah subhanahu wa ta'ala les a donc secourus et donné la victoire à cause de leur sincérité dans leur religion et à cause de leur pureté dans leurs intentions. Et il y a aussi dans ce hadith le courage de Abu Bakr, l'explication du courage de Abu Bakr radiyallahu anhu face à des situations très très embarrassante, des situations très gênantes, puisque c'était une situation difficile. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné donc la victoire à l'islam et a écrasé justement la fitna des murtaddin, des apostats. Et c'était une épreuve et une fitna très dangereuse, parce que dans toute la péninsule arabe à cette époque-là, il ne restait plus que 3 mosquées seulement dans lesquels les gens faisaient la salat. La plupart des gens avaient apostasié de l'islam. Hein? Allah al-musta'an. Et il dit donc, « Wa min fiqh al-hadith kadhalika annahu idha imtana'a qawmun min iqami al-salati wa ada'i al-zaka walau inaqan yuqataloun lianna thalika min huquqi la ilaha illallah. » Donc le cheikh, il dit, parmi les compréhensions de ce hadith-là, il y a le fait que si quelqu'un s'abstient de faire la salat, si un peuple s'abstient d'établir la salat ou de donner la zakat, même si c'est juste une corde ou une laisse ou quelque chose de ce genre, qu'ils doivent être combattus parce que cela fait partie des droits de la ilaha illallah. Le cheikh, il dit ensuite, « وَيُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ أنه لا يجب على الناس أن يتعلموا الفلسفة فالمعتزلة وبعض الأشاعرة القدامى كانوا يقولون إنه لا بد من تعلم أدلة الإسلام فعندهم أدلة الإسلام وأصول الدين هي المنطق والفلسفة وقالوا لا يصح إسلام أحد إلا إذا تعلم هذه الأدلة وهذا كذب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل إسلام الناس من غير مطالبتهم بالاستدلال قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ولم يقل حتى ينظروا في الأدلة ويتعلموا المنطق والفلسفة ولم يشترط تعلمهما فأسلم الناس في وقته ووقت أصحابه ولم يشترط أحد تعلم المنطق والفلسفة وقد بلغ بهم الغلو في هذه العلوم الفاسدة إلى القول بأنه من لم يتعلم هذه العلوم فهو كافر ولكن جمهور المسلمين على رد هذا الباطل بل تعلمه ضلال فكيف يكون شرطا في صحة الإسلام؟ ولهذا حارب السلف علم الكلام والمنطق حربا شديدة. فقال الشافعي رحمه الله فيهم: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله واتبع علم الكلام. Donc le cheikh il explique et il dit donc qu'on peut tirer de ce hadith là le fait qu'il n'est pas obligatoire aux gens d'apprendre la philosophie, tandis que les Mu'tazila et les Asha'ira, parmi les gens de Bid'a, les gens de l'égarement, hein, les Asha'ira anciens et les Mu'tazila, deux sectes parmi les sectes qui ont dévié dans l'islam, hein, eux ils disaient il est obligatoire d'apprendre les preuves de l'islam. Et pour eux les preuves de l'islam c'est quoi? Les preuves de l'islam et les fondements de la religion sont la philosophie et la rhétorique, hein, ou bien la dialectique, hein, d'Aristote et des trucs de philosophie. Et donc, eux, ils disent, l'islam d'une personne ne sera pas valide si elle n'a pas étudié ses preuves rationnelles, soi-disant. Et le cheikh, il dit ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, acceptait l'islam des gens sans jamais leur demander l'apprentissage de ces idées philosophiques-là. Hein? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, justement, qu'on est en train d'expliquer, j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils témoignent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et donc, il n'a pas dit dans ça... Par exemple, dans ce hadith, il n'a pas dit « j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils regardent les preuves rationnelles, la philosophie, hein, et la dialectique ou des trucs de ce genre. » Donc, il n'a pas établi comme condition que les hommes apprennent la philosophie. Et on voit qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque des sahaba, les gens ont accepté l'islam et personne n'a jamais exigé d'eux ou établir comme condition pour eux qu'ils devaient apprendre la dialectique ou la philosophie ou la logique aristotélicienne ou toute autre chose de ce genre. Et ces groupes parmi les égarés, parmi les Mu'tazila et les Asha'ira, hein, et un groupe en France en ce moment, ils essaient de faire revivre la secte des Mu'tazila. Mais c'est peine perdue, cette secte elle est morte depuis des siècles et les savants de la sunna les ont grillés complètement, donc ils n'ont aucun espoir de voir quoi que ce soit ou d'obtenir ou d'arriver à quoi que ce soit dans leur faux espoir. Donc laissez-les jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe d'eux. Et comme ici le cheikh il dit que ces gens-là ils sont arrivés dans un niveau d'exagération et d'extrémisme dans leur science corrompue jusqu'au point de dire que celui qui ne les a pas étudiés ou apprises ces sciences soi-disant ces philosophies-là qu'il est kafir selon eux. Et il dit et mais pourtant la majorité des musulmans ont réfuté ce mensonge et cette fausseté-là. Et ils ont même jugé le contraire de cela. C'est-à-dire, ils ont dit que quiconque apprend ces philosophies et ces trucs-là, c'est ça qui est l'égarement. C'est ça l'égarement, d'apprendre ce genre de choses. Et comment quelque chose pourrait-il être une condition dans la validité de l'islam de quelqu'un alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'avait jamais exigé? Et le cheikh, il dit que c'est pour cette raison-là que les salafs ont fait la guerre à la science à ces pseudo-sciences qu'on appelle justement le ilm al-kalam, la théologie spéculative ou la dialectique aristotélicienne soi-disant islamique. Ils ont fait une guerre très très sévère contre cet égarement là et même que l'imam Shafi'i rahimahullah, les salafs ont mémorisé cette parole de lui. Hein, le jugement qu'il a donné à propos des gens de Kalam, des gens de la philosophie, il a dit « Je juge à leur sujet qu'on les frappe avec des rameaux et des sandales et qu'on les fasse circuler parmi les familles et parmi les tribus et qu'on dise, qu'on les fasse circuler sur des ânes et qu'on dise « Voici Hein, voici la punition de celui qui s'est détourné du livre d'Allah et qui a suivi la philosophie ou bien l'ilm al-kalam. Et le cheikh, il dit ensuite, وَذَمَّهُ السَّلَفْ بِالْإِجْمَعِ وَصَمَّمَ أَهْلُ الْأَهْوَاءِ عَلَى تَعَلُّمِهِ وَالطَّعْنِ بِهِ فِي الْأُمَّةِ فَهُمْ يُجَهِّلُونَ علماء الإسلام فيقولون إن من لا يتعلم هذه الأصول فهو عمي جاهل وقد يكفرونه فانظر إلى خطورة البدع وإلى أين تصل بأهلها ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها في كل خطبه أو جلها قال وكان يقول وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالمحدثات شر ولهذا انعكست هذه المحدثات والبدع على الأمة فطحنتها طحنا الصوفية من جهة والرافضة من جهة والمتكلمون من جهة وغيرهم فأفسدوا عقائد الناس وعقولهم وديانتهم بهذه البدع التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور وأهلها أضر على الإسلام من اليهود والنصارى كما قرر ذلك عدد من علماء الإسلام ذلك لأن العدو الخارجي يحاربك من خارج البيت أما هذا فيحاربك من داخل بيتك فيخربه ويفتح الباب للعدو ليأخذ ما تبقى لقمة سائغة فعليكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بهما وعضوا عليهما بالنواجذ وكذلك سنة الخلفاء الراشدين المهديين وفقنا الله وإياكم وثبتنا على السنة والهدى إن ربنا لسميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc le cheikh il termine donc cette explication du hadith en disant que les salafs ont tous blâmé selon le consensus des salafs. Ils ont tous blâmé ilm al-kalam, hein, la philosophie et la dialectique aristotélicienne utilisée pour soi-disant interpréter la foi en Allah et expliquer le qadar, expliquer la religion. Hein? On ne se base pas sur ces choses-là pour connaître Allah et pour connaître le ghaib. Mais les gens de Bid'a ont persisté, et les gens de la passion ont persisté à vouloir enseigner et à vouloir apprendre ces Bid'a, ces égarements-là. Et ils ont même utilisé ça comme un prétexte pour justement attaquer la Oumma et critiquer la Oumma et traiter les savants de l'islam d'ignorants en disant « Ah, ces savants de l'islam sont ignorants, ils ne connaissent même pas la philosophie d'Aristote, ils ne connaissent même pas la logique d'Aristote. Hein? » Si tu ne connais pas la logique d'Aristote, ça veut dire que tu n'as pas de logique pour eux. Hein? La logique, ça, c'est Aristote qui l'a inventé, subhanallah. Et si t'as pas de, si tu connais pas Aristote, tu connais pas Platon, donc t'as pas de logique. Hein? Donc c'est stupide, yani, de penser que yani, ces gens-là, c'est eux qui ont inventé l'intelligence et la logique, alors que il y a plein d'exemples qui montrent justement que leur système de raisonnement et de logique c'était justement leur système qui était contraire à la logique sur beaucoup de plans. Et tout ça pour dire que le cheikh il dit que les gens de Bid'a, ils disent si celui qui n'a pas appris ces fondements-là, c'est un âme, mais c'est un ignorant. Hein, c'est un musulman du commun, même s'il est savant de l'islam, même s'il mémorise le Coran, le Sunna, le Sahih al-Bukhari, le Muslim, et qu'il comprend les fondements des salafs et la base de la aqidah, pour eux c'est un ignorant. Hein? Et c'est pour ça que vous les voyez aujourd'hui ces gens-là. Yani, subhanallah, tu vois là, ces gens-là par exemple, ils se rasent chaque jour, ils portent les vêtements avec la cravate, le veston, hein, pour ressembler le plus possible à leurs maîtres occidentaux, là, comme on dit, hein, subhanallah, puis pour tout faire pour contredire l'exemple de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'apparence, et pour tout faire pour contredire l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de se distinguer des kuffars. Et après, ils viennent devant les savants de l'islam et les ulama de la umma, puis ils disent, vous êtes des ignorants parce que vous n'avez pas des diplômes de la Sorbonne, et vous n'avez pas des diplômes de Oxford, puis de Cambridge, puis de hein? Allah musta'an. Donc, c'est ça leur référence, en fait. Hein? Et même aujourd'hui, ils ont la même attitude que les Mu'tazila et les gens de Bid'a de l'époque. Hein? Comment ils appelaient les salafs, ils appelaient les ulama des salafs des hachawiyya. Hein? Ils les appelaient toutes sortes de sobriquets pour les dénigrer, pour les rabaisser, pour dire, ah, c'est pas des gens qui connaissent la raison et la logique, hein? La philosophie, ils connaissent pas. Donc c'est des ignorants, les savants de la sunna, pour eux c'est des ignorants. Et c'est ça que le cheikh il dit, c'est ça qui nous montre, hein? Pourquoi ces gens-là, c'est des gens qui sont dangereux, parce qu'ils font le takfir même des savants de l'islam à cause de ça. Et c'est ça ce qui vous fait voir, yani, le danger, hein, des bid'ah. Hein? Et jusqu'où la bid'ah peut amener des gens. À quel point ça peut les amener loin dans l'égarement. Et c'est pour ça que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il avertissait dans tous ses discours, hein, dans sa khutba, dans ses khutab et dans la plupart de ses discours, il mettait en garde contre les innovations. Et il disait, la pire des affaires sont les choses inventées dans la religion. Et les choses inventées dans la religion sont des bid'ah, hein, des innovations. Et toute innovation dans la religion est un égarement, et tout égarement est dans le feu de l'enfer. Et les choses donc qui sont innovées et inventées dans la religion, ça c'est des choses qui sont mauvaises. Et c'est pour ça que le cheikh dit, c'est la raison pourquoi elles sont mauvaises, c'est parce que les innovations, elle ramène, hein, la umma à la destruction. Et il dit donc, quand vous regardez par exemple d'un point de vue, regardez la bid'a des soufis, hein, les soufis, regardez la bid'a des rafidah, les shi'a rafidah, hein, d'un autre point de vue, regardez la bid'a des philosophes, des mutakallimines, d'un autre point de vue, hein, les mu'tazila, les jahmiya, les ash'ara, les maturidiya et les modernistes aujourd'hui, hein, les rationalistes qui veulent interpréter l'islam à la lumière de la philosophie occidentale, hein, Allah musta'an, on devrait dire à la noirceur de la philosophie occidentale et des idéologies de l'Occident, de kofr, hein, l'athéisme et le matérialisme. Et le cheikh, il dit ensuite que, yani, quand on regarde ces bid'ahs, elles ont corrompu la croyance des musulmans et leur raison, hein, leur intelligence et leur pratique religieuse ont été corrompues par ces innovations que ces groupes ont inventées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés charrul umur, c'est-à-dire les pires des choses, les pires des affaires. Et donc les gens qui font partie des gens de bid'a sont plus nuisibles et plus dangereux pour l'islam et les musulmans que les juifs et les chrétiens. Et le cheikh, il explique, il dit ça, c'est quelque chose que plusieurs d'entre les savants de l'islam ont déclaré. Hein, les savants de l'islam ont déclaré que les gens de bid'a, hein, les sectes de déviation et d'égarement, sont plus dangereuses et plus nuisibles pour l'islam que les juifs et les chrétiens. Il dit pourquoi? Et beaucoup de musulmans, parfois, ils ne comprennent pas ça. Hein? Ils disent, oh, vous préférez, est-ce que vous préférez les koufars ou vous préférez les gens de bid'ah? On préfère pas les koufars aux musulmans. Mais on considère, par contre, que le danger des gens de bid'ah, il est beaucoup plus grand que le danger des koufars. Pourquoi? Parce que le cheikh, il explique, il dit, parce que l'ennemi qui est à l'extérieur de ta maison, il veut t'attaquer alors que toi, t'es protégé à l'intérieur de ta maison. Tandis que cet ennemi-là, les gens de bid'ah et les munafiqines, eux, ils sont à l'intérieur de ta maison, ils font la destruction de l'intérieur. Hein? Le kafir, il fait la destruction de l'extérieur. le moubtadi', l'innovateur et l'égaré, il fait la destruction à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il ouvre la porte pour que l'ennemi extérieur rentre. Et après, tu deviens une bouchée facile pour les égards, pour les koufars. Donc, c'est ça la réalité. Et c'est ça que beaucoup de gens, par exemple, refusent de comprendre dans la gravité de l'attitude des gens de bid'a. Et donc, le cheikh, il termine en disant, donc, il fait un doua, il dit donc, je vous enjoins de vous accrocher au livre d'Allah et à la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, de vous accrocher à ces deux éléments-là, à ces deux bases-là, et de mordre dedans avec vos molaires, et de même que de vous accrocher à la sunna des successeurs bien guidés, et que Allah nous donne, ainsi qu'à vous-même, le succès, et qu'il vous raffermisse sur la sunna et la guidance, et certes, notre Seigneur exauce les invocations, et que Allah subhanahu wa ta'ala mette son éloge et sa bénédiction sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur ses compagnons et sa famille. Walhamdulillah rabbil alamin. On vient de conclure donc l'explication de ce hadith maintenant. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on fera la suite au prochain cours inshaAllah. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته